Le pasteur Philippe de Bounia. Pastori Filippo Wakubunia. Ainsi que le pasteur Paradox. Pamoja na pastori Paradox. Vous ont tous salué au nom de Jésus-Christ. Barimisalimia mwebote mujina bwana Yesu Kristo. Devons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tusimame juu ya kusoma neno la Mungu. Nous lisons dans Daniel au chapitre 2. Utasoma mu Danieli sura yake ya pili. Commençons verset 1. Tuanzie mstari ya kwanza. Daniel au chapitre 1. Danieli sura yake ya kwanza. Lisons chapitre 2. Daniel chapitre 2. Daniel sura ya pili. Dans son verset 1. Mustari ya kwanza. La deuxième année du roi de Nebuchadnezzar. Mwaka ya pili ya mfalme Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Nebuchadnezzar akalota mandoto. Il avait un esprit agité et ne pouvait dormir. Roho yake ilikuwa nangaika na alikosa busingizi. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les cardins. Mfalme akaitisha ba majende, ba astrologue, ba fumu na ba kulakusha. Pour qu'ils lui disent ses songes. Ili bapate kumukumbusha mandoto yake. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Wakakuja na kusimama mbele ya mfalme. Le roi leur dit. Mfalme akawambia. J'ai eu un songe. Nililota ndoto. Mon esprit est agité. Roho yangu inangaika. Et je voudrais connaître ce songe. Na mimi napenda nijue ile ndoto. Les Chaldéens répondirent au roi en langue arménienne. Wale wa Kaldea wakamujibu mfalme muruga ya Kiarmenia. Ô roi, vis éternellement. Ô mfalme uishi milele. Dis le songe à tes serviteurs. Ulete ile ndoto kubatumishi yako, uiseme kubatumishi yako. Et nous vous en donnerons l'explication. Na sisi tutakupatia mafasilio yayo. Le roi répondit. Mfalme akajibu. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens. Akachukua sauti na kusema kwa Kaldea. La chose m'a échappé. Hii ndoto inanipotea. Si vous ne faites pas connaître le songe et son explication. Kama mwe amunikumbushe ndoto na kuleta mafasilio yayo. Vous serez mis en pièces. Batamiweka mukifungo. Et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Na manyumba yenu batepomona yote. Mais si vous me dites le songe et son explication. Alakini mukinikumbusha ndoto na kuleta mafasilio yayo. Vous recevrez de moi des dons et des présents. Mutapokea kwangu mazawadi. Et de grands honneurs. Na mutapata maheshima munene. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Joko mana munikumbushe ndoto yangu ile na mulete mafasilio yayo. Dans son verset 10, Isari ya kumi, les Chaldéens répondirent au roi. Wakaldea wakamujibu mfalme. Il n'est personne sur la terre. Hakuna mutu pa dunia mzima. Qui puisse dire ce que demande le roi. Ule anawezi kusema kile mfalme anaomba. Aussi jamais roi, quelque grand ou puissant qu'il ait été. Ata, ikikuwa mfalme mkubwa namna izuru gani. Aussi jamais roi. Na kamwe akuya kuwa mfalme. Quelque grand et puissant qu'il ait été. Atakamari mko alikuwa mkubwa je hata wa uwezo wa namna gani. N'a jamais exigé une pareille chose à aucun magicien. Ashia lazimishaka kitu ya hivi kwa mtu hata moyo wa majende. Astrologue. Astrologue. Bakongaria manyota. Bakongaria manyota. Ou caldéen. Wana bakaldea. Ce que le roi demande est difficile. Kile mfalme anaomba kiko kya nguvu. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi. Hakuna mtu akwezi kumwambia kwa mfalme. Excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Kutosha mpaka miungu ile aina na makao katikati ya watu. Là-dessus le roi s'est mis en colère. Pale mfalme akashirika. Et s'irrita violemment. Akashirika sana. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Aka amuru bapate kuwa benye kima bote ba mubabeli. La sentence fut publiée. Iukumu bakaitangaza. Les sages allaient être mis à mort. Benye kima baripashi beba uwe. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour le faire périr. Na warenda tena kutafuta Danieli na ba jirani yake juu bapate tena kubaua. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Hier nous avons ouvert une parenthèse. Jana tulifungula mkato. Sur la demande du roi Nebuchadnezzar. Yulu ya ombi ya mfalme Nebuchadnezzar. Après avoir eu son songe, après qu'il ait oublié, il invita tous les magiciens de son royaume et leur demanda de lui dire les songes et son explication. C'est sur cette pensée où nous sommes arrêtés hier. Ni pai wazo njo pale tulisimamia jana. Nous avons montré à l'église tulionesha kanisa que tout ce qui vient de l'esprit de Dieu ya kwamba kyote kya kutokea ku roho ya Mungu. Tout ce qui a été écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, tout songe qui a été donné par le Saint-Esprit, ou toute vision de provenance divine, ne peut jamais être interprétée par les magiciens. Abawezi kamwe kuifasilia kwa batu ya majende. Il faut que quelqu'un ait le même esprit qui était sur ceux qui ont vu le songe ou qui ont eu la vision ou qui ont écrit la parole pour avoir l'interprétation juste de ce que Dieu avait consigné. Inapasha paka romo ya moya ya ule aliona ile ndoto wala ule aliandikisha ile maandiko apate kuwa na ile romo ya moyo afasilie ile ndoto. Les magiciens. Ba magiciens, les astrologues. Ba kuona mandoto. Les enchanteurs. Ba fumu. Et tous les sages de la terre. Na benye kima bote ba fadunia. Peuvent interpréter tous les songes des hommes. Wanaweza kufasilia mandoto yote ya bantu. Qui viennent des pensées humaines. Ya kutokea kwa mawazo ya bantu. Des songes qui sont donnés par inspiration satanique. Mandoto ile yenye kusukumwa na shetani. Ils peuvent interpréter tout ce qui est faux. Wanaweza kufasilia biote vya bongo. Parce qu'ils sont habités par un esprit de mensonge. Jubanashikwa na roho moya moya ya bongo. Mais ils ne peuvent jamais interpréter une chose d'origine divine. Hawawezi kamwe kufasilia kitu kia kutokea kwa Mungu. C'est ainsi que nous avons un peu évolué pour dire. Kwa maana tuliendelea na kusema. Pour ce qui est d'interprétation de vision ou de songe. Wajenye kuelekea kutafsiri kufasilia mandoto wala maono. C'est un don qui est uniquement donné aux prophètes. Ile ni zawadi ilipewa tu peke yayo kwa manabii. Si vous réécoutez la prédication sur et la sacrificature, kama mukisikiliza mahubiri yule ya kikuani, précisément sur les neuf dons qui doivent s'exercer dans l'église, na zaidi pama na ma zawadi kenda kutumika mkanisa. À son temps, nous vous avons expliqué qu'il n'existe pas un don d'interprétation des songes et des visions dans, parmi les neuf dons. Ya kwamba akuikalake zawadi ya kufasilia mandoto wala maono katikati ya ile mazawadi kenda. L'interprétation des songes et des visions est un domaine privé des prophètes. Kutafsiri wala kufasilia mandoto na maono ile ni zawadi tu paka ya manabii. Et comme nous l'avons dit hier, ile tulisema jana, avant qu'un prophète interprète un songe ou une vision, mbele ya nabii apate kufasilia ndoto wala ono, lui-même doit premièrement voir le songe ou la vision d'avance avant de donner son explication. Ye mwenye nabii atatangulia kwanza kuona ile ndoto wala ile ono mbele ya kuifasilia. Il n'a pas besoin d'attendre que celui qui a vu son songe ou sa vision vient lui expliquer ce qu'il a vu. Nabi ashezi kuitaji achunge kwanza ule aliona ndoto wala ono amuoneshe njoo afasilie hapana. C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, kwa maana leo makanisa, tout homme qui voudrait qu'on lui raconte d'abord le songe ou la vision qu'on a vu, mtoto natapenda umuoneshe kwanza ndoto wala ono ile uliona, et après donner des explications, kisha njoo alete mafasilio. Il n'a pas ce don d'interprétation de son de vision, il n'est pas prophète. Ana na ile zawadi ya kufasilia mandoto juu ya na nabii. Il est seulement habité par l'esprit des devins. Na ma roho ya bafumu. Parce que c'est au devin qu'on doit expliquer les songes, qu'on doit dire les songes. Et sur base de vos explications, maintenant ils peuvent deviner. Mais il n'en est pas ainsi avec le ministère prophétique. C'est ce que nous avons dit hier. Et nous avons montré que ces devins chaldéens étaient honnêtes envers le roi Nebuchadnezzar. Ils l'ont dit clairement que personne sur toute la terre n'était capable de dire au roi ce qu'il a vu et de lui donner des explications. Hakuna mtu atamwa pa dunia yule kuna uwezo ya kumuonesha mfalme kila alilota na kumpatia mafasilio. Excepté les dieux qui ne restent pas parmi les hommes. Utosha mpaka miungu yashipo kuikala pamoja na bantu. Oui, ils étaient honnêtes. Dio barikuwa bauwaki. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Et lorsque le roi, wakati mfalme, reçut la réponse des magiciens, alipokea jibu ya wale wa magicien ma majende, qui lui disait qu'ils étaient incapables de lui donner le songe et son explication, ile walimwambia kwamba hawakuwa na uwezo ya kumkumbusha ndoto na kuifasilia. Le roi Nebuchadnezzar, mfalme Nebuchadnezzar, s'est mis violemment en colère, alishirika kabisa, et pris la décision de les tuer tous. Pourquoi? Parce qu'il lui était d'aucune utilité dans son royaume. Vous voyez? C'est pourquoi il a pris cette résolution de les éliminer. Mais observez comment Dieu a fait les choses. La sentence fut publiée. Et tous les magiciens allaient être décapités. Et l'on cherchait Daniel et ses trois compagnons pour qu'ils subissent la même sentence. Arjok. Arjok. les chefs des gardes du roi. Mukubwa wa bachungaji ba mfalme. À qui le roi avait donné l'ordre d'éliminer dans son royaume tous les magiciens. Mwenye ula ripata agizo kwa mfalme ya kuwa ba magicien bote mfalme. Allez maintenant de lieu en lieu pour chercher ce sage. Araza kwenda fashi yote jua kutafuta ba benye hekima. Et lorsque la nouvelle tomba dans les oreilles de Daniel, wakati Daniel alipata ile habari, Daniel s'adressa à Arjok. Daniel akamwambia huyo Arjok. La Bible dit d'une manière prudente et sensée. Biblia anasema mnamna ya werevu na ya yenye kwa hekima. Il dit, pourquoi le roi est-il fâché de cette manière? Pourquoi a-t-il résolu de tuer tous les magiciens et les sages du royaume? Et Daniel, dans sa sagesse, Daniel, demanda au chef de garde qu'il les conduise vers le roi Nebuchadnezzar. Et lorsque Daniel se présenta devant le roi, Daniel il pria au roi Nebuchadnezzar d'asseoir sa décision et de lui donner un temps pour qu'il retourne lui donner les songes et son explication. Et la chose, par la grâce de Dieu, lui fut accordée. Et lorsque cette autorisation fut donnée à Daniel, Daniel retourna dans la maison pour chercher ses trois compagnons. Daniel arudia munyumba jua kutafuta wale ba jirani yake tatu. Arrivé dans sa maison, kisha kurudi munyumba yake, il engagea ses trois compagnons de lutte. Akaita wale ba jirani yake tatu. A implorer la miséricorde de Dieu. Ya kwamba baombe rehema ya Mungu. Afin que ne soit pas tué. Ili boba Daniel bashibauwe. Ainsi avec tous les magiciens de Babylone. Et vous voyez que la chose était sérieuse. La prière que Daniel devait faire et ses trois compagnons n'était pas une prière superficielle. Parce que leur vie en dépendait. Ils devaient faire une prière sincère. Une prière qui pouvait toucher Dieu et qui pouvait amener Dieu à leur donner le sens et son explication. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé soeur. Souvent, quand on est en paix, on ne voit pas l'important de la prière. Quand quelqu'un est en bonne santé, wakati mtu yuko kwa afya njema, il mange bien, anakula mzuri, il dort bien, analala mzuri, son mari il est en paix avec son mari, yuko msalama na bwana, il est en paix avec sa femme, yuko msalama na mke wake, les affaires prospèrent bien, makazi yake inaendelea mzuri, il n'y a aucune difficulté, hakuna magumu hata moja. Les gens souvent négligent la prière, kila mara bantu wanasulaka maombi, et ça c'est un grand défaut, ile ni kosa mnene, que nous avons. Il est tout naïo. Voyez bien mes frères. Mais quand quelqu'un est poussé à bout et qu'il voit qu'il lui reste seulement quelques poussières de minutes pour vivre, tout homme, même un païen, il s'efforce à faire une prière sincère. Mais ce n'est pas un bon comportement. Nous ne devons pas attendre qu'il y ait un événement quelconque pour prier le Seigneur. Non. Nous devons toujours être des gens de prière. Mais si un problème arrivait, si la vie de la prière que nous avons toujours eu, nous pouvons encore davantage implorer la grâce du Seigneur. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Ici, Daniel et ses compagnons étaient devant la mort. Ils avaient des choses. Ils avaient la mort et la vie devant eux. Alors ici, ils ne pouvaient pas faire une prière avec des plaisanteries. Shadrach, Meshach, Abednego ne pouvaient pas se dérober de la prière. Même s'ils avaient un autre travail à faire, leur vie était engagée. C'est ainsi qu'ils se sont consacrés à chercher Dieu, à implorer la miséricorde de Dieu, pour que Dieu leur révèle le son et qu'il leur donne l'interprétation afin qu'ils soient épargnés de la mort. C'est ce que Daniel et les compagnons firent. Parce qu'en réalité, la solution ne restait que du côté de Daniel et de ses compagnons. Tous les magiciens et tous les sages babyloniens avaient déjà proclamé leur incapacité. On ne pouvait plus rien espérer. Tous les dieux de Babylone et tous les dieux de toute la terre étaient incapables de dire au roi son songe et de donner son explication. Si tous les devins et tous les sages, tous les astronomes, tous les enchanteurs de cette époque-là de toute la terre étaient incapables de révéler les songes au roi Nebuchadnezzar et de lui donner l'explication comment les devins d'aujourd'hui et les magiciens d'aujourd'hui et les saints d'aujourd'hui peuvent connaître ce que Dieu a caché dans les pages de la Bible ou tout ce qui est donné sous l'inspiration divine. Non, frère, comme les autres ont échoué, même les magiciens d'aujourd'hui échoueront toujours d'interpréter ou de comprendre tout ce qui vient d'ordre divin. Et pendant la nuit, alors que Daniel et les trois compagnons étaient en prière, implorant la miséricorde de Dieu, la Bible dit, le secret fut révélé à Daniel. C'est Dieu du ciel. Ni Mungu wa kumbingu. Celui qui avait donné les songes à Nebuchadnezzar. Ulari leta kandoto kwa Nebuchadnezzar. Le même Dieu est venu vers Daniel. Ule Mungu moya moya alikuja kwa Danieli. Pour lui montrer ce que le roi Nebuchadnezzar avait vu. Dieu kumuonesha kile mfalme Nebuchadnezzar aliona. Daniel a vu ce que Nebuchadnezzar avait vu. Daniel aliona ile mfalme Nebuchadnezzar lota. Et Dieu est venu maintenant donner la révélation à son serviteur. Pourquoi Dieu révèle son secret à Daniel? Dieu ne pouvait pas révéler son secret aux magiciens, aux sages de Babylone, parce que Dieu ne traite pas ou Dieu ne traitait pas avec ces gens. Ce sont des prophètes de Satan. Ni banabi ba shetani. Dieu ne pouvait pas les révéler. Mungu hakuwezi kubafunulia. Ce qu'il avait caché. Il a refuchika. Il est allé vers son serviteur Daniel. Alienda kwa mtumishi wake Daniel. Celui à qui il avait donné les dons des visions et d'interprétation des visions. Kwa kuona mandoto na kufasilia. Pour interpréter les songes du roi Nebuchadnezzar. Juu ya kufasilia ndoto ya mfalme Nebuchadnezzar. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Na Danieli akambariki Mungu wa kumbingu. Dans Daniel au chapitre 2. Danieli sura yake 2. Dans son verset 19. Mstari wa 19. Nous commençons par là. Tuanzie pale pale. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Na siri ikamfunuliwa Danieli katika ono. Et Daniel bénit les dieux des cieux. Daniel akambariki Mungu wa mbingu. Daniel prit la parole et dit. Daniel akachukua sauti na kusema. Béni soit le nom de Dieu. Barikiwe jina la Mungu. D'éternité en éternité. Milele na milele. À lui appartiennent la sagesse et la force. Kwake yeye ndio kuko hekima na nguvu. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Ye Mungu nje kona badilisha manyakati na mamambo yote. Qui renverse et qui établit les rois. Ye nje kona tosha bafalme na kuweka bengine. Qui donne la sagesse aux sages. Ye nje analeta hekima kwa benye hekima. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Na analeta akili kwa benye kwa na akili. Quelle belle prière. Maombi gani mzuri. Il est celui. Eko yule. Qui change les temps et les circonstances. Mungu c'est notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Daniel. Israël, c'est lui qui renverse et qui établit les rois. C'est vrai frère, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. J'y reviendrai. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. C'est vrai frère. C'est vrai ma sœur. Il n'y a que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est le seul qui révèle ce qui est profond et ce qui est caché. C'est vrai frère. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui connaît ce qui est caché dans les ténèbres. Quand lui arrive dans les ténèbres, les ténèbres se dissipent. Pourquoi? Parce que lui, il est la lumière. C'est vrai frère. Quand lui arrive, les ténèbres disparaissent. C'est vrai frère. Quand notre Dieu arrive dans votre vie, toutes les ténèbres de péché disparaîtront. C'est vrai frère. C'est notre Dieu qui connaît la profondeur de ton cœur. Il connaît tout ce qui se cache dans votre cœur. Que le pasteur ne connaît pas, que ton mari ne connaît pas, que ta femme ne connaît pas, ce secret que tu gardes seul, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut le dévoiler. C'est vrai. Et la lumière demeure en lui. Nous y reviendrons. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force. De ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel s'est rendu auprès d'Arjok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi. Et je donnerai au roi l'explication. Arioc conduisit promptement Daniel devant le roi. Et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Konome Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître les songes que j'ai eus et son explication? Écoutez l'humilité de Daniel. Quand quelqu'un reçoit la révélation de Dieu, il est humble. Il donne gloire au Seigneur et non à lui-même. Quand vous voyez quelqu'un, il se donne beaucoup de gloire. Il est fort dans son cœur. Moi j'ai fait. Si moi je n'avais pas fait ceci, la chose ne serait pas ainsi. Non. Nous tous, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ne faisons que ce que Dieu nous a commandé. Dieu, les dons que nous avons ne nous appartiennent. Les dons que nous avons ne nous appartiennent pas. C'est les dons de Dieu pour l'Église en nous. Et aucun ministre n'a le droit de se glorifier du don d'autrui que Dieu lui a donné. Quand Dieu donne un don à quelqu'un, c'est pas son don, c'est le don de l'Église. Comme Dieu ne peut pas prendre ses dons dans tout le monde, il choisit une personne dans laquelle il remet ses dons pour l'édification de l'Église. C'est ce qui est arrivé. Dieu pouvait donner l'explication à Anania, à Meshach, à Abednego. Mais il a donné à Daniel. Vous voyez bien, mes frères, c'est pourquoi quand l'un de nous reçoit un don de la part de Dieu pour notre édification, nous ne devons pas nous attrister. Nous devons nous réjouir parce que ce n'est pas son don, c'est notre don. Nous devons entourer ces dons-là. Nous devons aimer ces dons-là. Nous devons prier pour ces dons-là. Afin que ces dons œuvrent effectivement pour l'édification du corps de l'Église entier. Vous voyez bien mes frères et sœurs. C'est là où les pentecôtistes sont tombés. Et beaucoup de nos assemblées qui prônent la manifestation des dons. Quelqu'un reçoit un don, il forme un petit groupe dans l'église. Vous voyez, il se retire avec son soi-don, il commence à mépriser le corps principal de l'église, il commence à mépriser les pasteurs, il méprise les anciens, il méprise les diacres, il se croit être super. Non, bien-aimés frères. Et des fois, les gens se retirent de l'église, ils forment leur dénomination. Des gens qui agissent de cette manière, et même ne sont pas de Dieu, et même les dons qu'ils ont reçus ne viennent pas de Dieu. Il n'y a aucune femme dans la Bible qui a reçu un don de Dieu qui a divisé l'église avec ces dons là ça n'existe pas. Ou après avoir reçu ces dons là il s'est retiré lui-même. Non, bien aimé frère, Tout homme qui a reçu un don l'a conservé dans l'église pour pour l'édification de l'église. Dieu a kujenga kwa kanisa. Et celui qui reçoit les dons, na ula anapokeza wadi, il va œuvrer dans l'humilité. Atatumika katika unyenyekevu. Il ne se croira pas que celui qui le fait par sa force. A Jésus kudizania sema ni il saura que tout ce que je fais, atajua kwamba yote mimi nafanya. Je l'ai reçu de la part du Seigneur. Nilipokea kwa upande wa Bwana Mungu. C'est pourquoi Daniel, Danieli, dit ceci au verset 25. Anasema hivi mstari wa 25. Daniel répondit en présence du roi et dit, Daniel akajibu muwepo wa mfalme na kusema, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Kile mfalme anaomba ni siri kile wa hekima wa inye kufunza manyota hawana na uwezo wa kufasilia yuko mfalme. Ba majende, ba mifumu hawana na uwezo wa kumfasilia mfalme. Ne sont pas capables de révéler. Hawana na uwezo ya kuifunua. Les gens vont chez les devins pour dire non, révèle-moi ce que je suis, regarde-moi. C'est l'ignorance. C'est seulement l'ignorance. Celui qui connaît la parole ne peut pas consulter les devins. Un devin ne peut pas connaître ce qui est caché dans votre cœur et même dans votre vie. Vous voyez, 28, Daniel continue. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Pas deux, pas trois, non. Un seul Dieu, et l'unique Dieu qui révèle les secrets. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Verset 29. Sur ta couche au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Six secrets m'a été révélé. Ile siri ilinifunuliwa. Ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Quelle humilité. Aina sema ndani yangu muku hekima ya yulu sana kushindia bantu bote bajima. Si le secret m'a été révélé, kama ile siri nilifunuliwa, ce n'est point qu'il y ait en moi, aina sema ndani yangu muku, une sagesse supérieure mkua kwa hekima ya yulu sana, à celle de tous les vivants. Ya kushindia bantu bote bajima. Mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi. Alakini ni juu ya mafasilio impewe mfalme. Et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Na upate kujua mawazo ya moyo wako. Oh roi. Oh mfalme. Tu regardais. Ulikuwa naangalia. Et tu voyais une grande statue. Na uliona sanamu munene. Cette statue était immense. Il est sanamu ilikuwa munene mkubwa sana. Et d'une splendeur extraordinaire. Na ilikuwa na kuangala kwa mastajabu. Elle était debout devant toi. Ilikuwa yenye kusimama mbele yako. Et son aspect était terrible. Na konekana kwayo kulikuwa kwa kuleta boka. La tête de cette statue était d'or pur. Na kichwa kya ile sanamu ilikuwa kya zahabu safi. Sa poitrine et ses bras étaient en argent. Kilali yake na mikono yake ilikuwa ya fedha. Son ventre et ses cuisses étaient en airain. Na tumbo yake na mikulu yake ilikuwa ya shaba. Ses jambes de fer. Na mikulu yake ilikuwa ya chuma. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Qui regardait l'obscurité, tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et la mit et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble. Manake, chuma, bulongo, shaba, feza, na zabu, biote, daribi ponda, bariwe kapamoya. Kazambalala. Kazambalala. Et devenir comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Na ilionekana sawa mvumbile na zambalala mwakati ya kipwa. Makapi na zambalala mwakati ya kipwa. Le vent les emporta. Na mpepo iribeba. Et nulle trace n'en fut retrouvée. Na kukonekana hata kimoya tena. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplie toute la terre. Na ile ribwe ile ripikaka ile sanamu ikakuwa sawa mulima mnene na ikayana pa dunia mzima. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Maintenant le roi Nebuchadnezzar. Sasa mfalme Nebuchadnezzar. Après avoir entendu attentivement et calmement kisha ce que Daniel raconté kisha yeye kusikiliza na utulivu yote na mukimya yote ile Daniel alikuwa anamuonesha effectivement hakika le songe lui revint à l'esprit pale pale ile ndoto akaikumbuka et il vit exactement ce qu'il avait vu dans les songes et qu'il avait oublié na akakumbuka pale pale ile yote aliona mu ndoto na ile alikuwa anesha sabu. Il avait vu pourquoi son esprit était agité et troublé et qu'il avait perdu sommeil. Na kafumbula juu ya nini roho yake ilifurushwa na alikosa busingizi. Et maintenant, dans le verset 36. Sasa musara makumi tatu na sita. Daniel dit au roi. Daniel akamwambia mfalme. Voilà les songes que tu as vus. Tazama njoo ndoto ile urulotaka. Et comme les songes étaient racontés mot à mot par Daniel, comme il avait vu, sawa vile ndoto bali mukumbusha hiyo moya kwa kimoya kwa Daniel paka vile alilotaka. Le roi Nebuchadnezzar voulait maintenant en savoir l'explication. Sasa mfalme Nebuchadnezzar alipenda apate mafasilio yayo. Parce que quand un prophète raconte une vision ou un songe que tu as vu, kwani wakati nabii eko na kukumbusha ndoto wala ono hiyo uliona eko mukimo de vous rappeler même là où tu n'as pas où tu as déjà oublié eko mukimo ya kukumbusha hata pale ulikuwa nisha kusabu. Il vous donne les sons tels que tu l'as vu avec les plus petits détails eko na kukumbusha ndoto paka vile uliota na maupana yote pour que dans ton cœur il n'y ait pas de doute que tu es de l'assurance que réellement c'est Dieu kwamba, qui a vu mon songe huyu ni Mungu aliona ndoto yangu. Et Dieu me donnera l'explication. Na Mungu atanipatia kweli kweli mafasilio. Voici les songes. Tazama ndoto. Nous vous en donnerons l'explication devant le roi. Sasa tutakupatia mafasilio yayo mbele ya mfalme. Maintenant regardez avant que je ne continue. Sasa tazameni mbele ya mimi kuendelea. Est-ce que nous êtes, tu peux noter cela? Notez un peu ça. Très important. Yamafa Kabisa. Le songe que le roi avait vu, écrivez vite, hein? Doto, il est mufalme Arionaka. La tête d'or pur. Ya kwanza ni kichwa kya zahabu safi. La tête d'or pur. Kichwa kya zahabu safi. La tête d'or pur. Kichwa kya zahabu safi. qui représentait le pouvoir royal absolu sur toute la terre. Deux. La poitrine et les bras en argent. La poitrine et les bras en argent. Je disais, vous voyez la tête d'or pur, c'est un pouvoir royal absolu qui dominera toute la terre. La poitrine et les bras en argent. Troisièmement, le ventre et les cuisses. Tumbo na makuisa. Ventre et les cuisses. Tumbo na makuisa ilikuwa ya shaba. Et les cuisses en era. Tumbo na makuisa ilikuwa ya shaba. Cuisses en era. Ya shaba. Quatrièmement, les jambes en fer. Kaine mikulu anabikanya mikulu ya chuma ya chuma. Quatrièmement, Kaine, les jambes en fer, Mikulu Yakuma, divisé en deux, dont les pieds en partie fer, Manake Bikanyangio Birkwa Kipande Yakuma, et en partie d'argile. Na Kipande Ingine Mikulu Irkwa Yabulongo, les jambes en fer, Mikulu Yabuma, les jambes en fer et les pieds en partie. Les jambes en fer. Mikulu ya biuma. Oui. Les jambes en fer. Mikulu quoi ya biuma. En fer. Ya biuma. Écrit seulement fer. En fer. Mikulu biuma. Les pieds maintenant. Ça, ça bikanyangiyo. Tu mets ça. C'est la même chose. Égal là. Tu mets égal. Égal. Ok, pied en fer. Bikanyangio birkua. En partie fer. Kipande mbiuma, kipande ya bulongo. En partie fer. Bikanyangio birkua kipande ya biuma, kipande ya bulongo. En partie fer. En partie en fer et en partie en argile. Tu écris aussi argile ici. Argile pour aller plus vite. Et en partie d'argile. Notez très bien. Mushike Muzuri. Ce songe de la statue du roi Nebuchadnezzar. Indoto yasanamu yamufalme Nebuchadnezzar. Concerne les temps à venir. C'est-à-dire, après ces temps du roi Nebuchadnezzar. Notez cela dans votre cœur. Ces songes de la statue du roi Nebuchadnezzar ne concerne pas son temps, mais cela concernait le temps à venir, le temps qui viendrait après le roi Nebuchadnezzar. L'église est avec moi. C'est pourquoi dans le verset 29, Daniel dit, il s'est monté dans des pensées touchantes ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets, t'a fait connaître ce qui arrivera. Na ule kunafunua masiri, anakujulisha ile tafikaka. Voyez bien mes frères. Naona ndugu mpendwa. Voyez bien mes sœurs. Deuxième remarque. Angalisho ya pili. Cette statue. I sanamu. Que le roi Nebuchadnezzar avait vu. Il est mufalme Nebuchadnezzar aliona. Représente Satan. Ikuna moneka ni shetani. Qui chevauche. Ule kona. Tembea. Anatembea. Ou qui inspire. Wala ule na sukuma kwa roho. Tous les royaumes païens des nations. Ma falme yote ya papa kano ya mataifa. Dans leur domination, il est utawalo yabo, s'étend sur toute la terre, nazambalala pa dunia mzima, jusqu'à la fin du monde. Kufika na mwisho ya ulimwengu ya dunia. La statue sanamu que le roi Nebuchadnezzar a vue, il est mufalme Nebuchadnezzar lionaka, représente Satan. Ikuna monesha shetani. Qui chevauche et qui inspire. Ule kuna tembea tembea na kuongoza katika roho. Tous les royaumes païens des nations. Maufalme yote ya kipagano ya mataifa. C'est-à-dire, manake, dans leur domination, benye kwa na utawalo, s'étend sur toute la terre. Ya kuzambalala dunia mzima. Jusqu'à la fin du monde. Kufika na mwisho ya dunia. L'église est avec moi. Kanisa nafuata. Et troisièmement. Na kia tatu. Les quatre parties. Ima vipande ine. De la statue. Ya sanamu. Révèle ou montre. Inafunua rara inonesha. Les quatre royaumes. Na ufalume ine. Païens. Ya kipagano. Qui dominerait le monde entier jusqu'à la consommation de temps, jusqu'à la fin du monde. L'église est avec moi. Je reprends. La statue qu'a vu Nebuchadnezzar en songe. La tête d'or pur, kichwa ya zabu safi, poitrine et les bras en argent, kilari na mikono ya le benda, ventre et les cuisses en era, tumbo na makuisa ya shaba, les jambes en fer, dont les pieds en partie fer et en partie argent, mikulu ya feza na bikanyangio kipande ya shaba, kipande ya budongo. C'est un songe qui concerne l'état à venir. Kwanza ni ndoto ile kunaonesha mambo ile takuja kisha. Des choses qui viendraient après le roi Nebuchadnezzar. Ya bintu bile vitakuja kisha ufalme wa Nebuchadnezzar. La statue elle-même. Ile sanamu yo inyewe. Que le roi Nebuchadnezzar avait vu. Ile mfalme Nebuchadnezzar alionaka. Représente Satan, le diable. Ikuna monesha shetani diabolo. Qui chevauche et qui inspire. Ule kona tembea na kusukuma kwa tous les royaumes de la terre. Ma ufalme yote ya padunia. Tous les royaumes des nations. Ma ufalme yote ya mataifa. Tous les royaumes des païens. Ma ufalme yote ya bapagano. Dans leur domination. Yenye kwa na utawalo yayo. S'étendrait sur tout la terre, ya kuzambalala pa dunia mzima, jusqu'aux extrémités de la terre. Kufika na mwisho ya dunia. Et troisièmement, na kia tatu, la statue qu'a vu le roi Nebuchadnezzar, ile sanamu mfalme Nebuchadnezzar représentait les quatre royaumes, kwa naonesha mafalme des nations ou des païens, ya mataifa ya pagano, qui dominerait sur toute la terre. Ile tatawalaka pa dunia mzima. L'église est avec moi. Kanisa inafuata. Je peux évoluer. Nawezi kuendelea. Je peux évoluer. Eti nawezi kuendelea. Ok, prenons la Daniel. Mzuri, tuchugue Danieli. Daniel au chapitre 2. Danieli sura yake ya pili. Dans son verset 36. Mstari yake makumi tatu na sita. Voilà les songes. Injo ndoto. Nous vous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Maintenant, quand Daniel commence à interpréter les songes qu'il avait vus, Daniel ananza kufasilia ile ndoto alionaka. Daniel dit au roi, Daniel akamwambia mfalme, que la tête d'or pure de la statue, ya kwamba kichwa ya zabu safi, c'est toi, ya sanamu, le roi Nebuchadnezzar. Ni weye mfalme Nebuchadnezzar. Parce que les dieux des cieux, wani Mungu wa mbingu, t'a donné un empire, alikupatia ufalme utawale, il t'a donné la puissance, alikupatia uwezo, de dominer toute la terre, ya kutawala ulimwengu mzima. Il t'a donné la force, alikupatia uwezo, qui s'est élevé, ilerilamuka, qui s'est élevé, ilerilamuka, qui t'a élevé, ilerilamuka, au-dessus de toutes les forces, ya manguvu yote, de tous les royaumes qui existent sur la terre, ya maufalme yote nyiko pa dunia. Il t'a donné la gloire, alikupatia utukufu, et il t'a donné la domination, alikupatia utawalo, partout où les hommes habitent, kazi yote watu wanaka, et là où il y a même les animaux, ata penye Dieu t'a donné le pouvoir de les dominer. Tu domines et les hommes, tu les domines et tu domines et les bêtes. Et tu as une gloire au niveau mondial. Vous voyez, il y a une puissance qui domine toute la terre. C'est toi le roi Nebuchadnezzar. 39. Après toi, Kishaweye, il s'élèvera kutalamukaka un autre royaume moindre que le tien. Ufalme ingine yenye kwa chini sa yako. Chini moindre que le tien. Yashipo kwa na nguvu sa yako. Puis, kisha, un troisième royaume utakuyaka ufalme ya tatu, qui sera derrière, itakuwa ya shaba, et qui dominera sur toute la terre. Na ile tatawala nayo dunia mzima. Verset 40. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer mets tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Et comme le doigt des pieds était en partie fer et en partie argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé à l'argile? C'est parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ce roi, Daniel continue, le roi des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et qu'il passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre. Que tu as vu, s'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. Joile unaonesha ile ribo uliona ilitoka kumulima bila msaada wa mtu atamu. Et qui a brisé le fer? Na ile riponda chuma. Le rein, shaba, l'argile, bulongo, l'argent, feza, et l'or. Na zabu. Le grand Dieu, Mungu mkubwa, t'a fait connaître au roi anamujulisha mfalme ce qui doit arriver après cela. Ile inapashi kufika kisha hii. Le songe doto est véritable, ni ya vya kweli, et son explication na mafasilio yayo est certaine, ni ya hakika. Et quand le roi Nebuchadnezzar, wakati mfalme Nebuchadnezzar, a entendu l'explication du songe dans la bouche de Daniel. Alisikiliza mafasilio ya ndoto kutokea mkinyo wa Danieli. Dans le verset 46. Mustari ya 16. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel. Na mfalme Nebuchadnezzar kainama uso wake chini na kuinama mbele ya Danieli. Et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et de parfum. Voyez, il est toujours idolâtre. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, mufalme akamwambia Daniel na kusema, en vérité, kweli kweli, votre Dieu, Mungu wako, est le Dieu de Dieu. Jo Mungu wa miungu. Et le Seigneur des rois. Yenjo bwana wa mafalme. Et il révèle le secret. Yo unafunua masiri. Puisque tu as pu découvrir ce secret. Jo kwa maana unafumbula isiri. Ensuite le roi éleva Daniel. Na kisha mufalme akamunyanyua Danieli. Et lui fit de nombreux et de richesses présents. Et de riches présents. Akampatia mazawadi na mamali ya mingi. Il lui donna les commandements de toute la province de Babylone. Akampatia pate kongo. Et l'état des chefs suprêmes de tous les états de Babylone. Mais Daniel pria le roi Daniel de remettre l'intendant de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Na Daniel akabakia mukiwanza ya mfalme. Vous voyez, unaona? Daniel a accompli un acte d'humilité et de sagesse. Daniel alitimiza tendo ya hekima na ya unyenyekevu. Que le roi avait ordonné qu'on lui donne beaucoup de dons et de présents, mpache mazawadi mingi, et qu'on l'établit comme le numéro 1 de la province de Babylone. Bamweke sawa kiongozi wa kwanza wa jimbo wa Babeli. Comme il savait que la gloire ne lui revenait pas, na kwamba utukufu haikuwa yake, il était accompagné de ses frères, alisindikizwa na wandugu zake. Il demanda au roi, akamuomba mfalme, donne l'intendant, upatie uongozi a aux trois amis, à mes trois frères. Baba wanduku yangu tatu. Oui, bien aimé frère. Dio nduku mpendwa. Oui, bien aimé sœur. Dio dada mpendwa. Maintenant regarde. Sasa tazameni. Nous y reviendrons. Utarudiria hapo. Dans Daniel au chapitre 2. Il me reste combien de minutes? 2 minutes, hein? Sura mbili. Nous allons revenir demain. Utarudiria hapo kesho. Nous allons commencer par Daniel chapitre 2, verset 36. Là où nous allons commencer. Quand Daniel donne l'interprétation du songe, premièrement, nous n'avons pas un grand tableau. Il montre que la tête d'or, la tête d'or pure, Azabu Safi représentait l'empire babylonien de Nebuchadnezzar. Il kwa naonesha ufalme ya Babeli ya mfalme Nebuchadnezzar. L'empire babylonien de Nebuchadnezzar, il est ufalme ya Babeli ya Nebuchadnezzar, a régné de 606 à 538 avant Jésus-Christ. Kufika na 538 mbele ya Yesu Kristo. Parce que Dieu a dit à Daniel, Dieu Mungu alimwambia Danieli, Dieu t'a donné l'empire, Mungu anakupatia ufalme, la puissance, uwezo, la force et la gloire. Nguvu na utukufu. Le premier empire, c'était l'empire universel babylonien, dont le roi était Nebuchadnezzar, qui a existé de 606 à 538. Le deuxième empire, qui représentait la poitrine et le bras en argent, Kilari na mikono ya feza. C'est l'empire de Mèdes et Perses. Ilikuwa ufalme ya Mèdes na wa Perses. Qui a existé après la chute de l'empire babylonien kisha kuanguka kwa ufalme ya Babeli. De 538 à 330 avant Jésus-Christ. Vous fiquez en accord 330 mbele à Jésus-Christ. Les Mèdes et les Perses, nous allons en parler avec beaucoup de détails. Les Mèdes et les Perses, tout à fait, mais dans mon pana. Ceux qui ont pris les dessus sur, le, sur l'empire babylonien, bonjour, ils sont vaincus. L'empire de Nebuchadnezzar, les Mèdes et les Perses ont régné maintenant à maître absolu, de 536 à 330, après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. C'est un royaume qui est représenté par la poitrine et les bras en argent. Et puis, un troisième royaume qui sera des reins. Après le règne de Mèdes et Perses, il y a eu maintenant l'empire grec, la Grèce. D'Alexandre le Grand. Yaoula Alexandre le Grand. Qui a subsisté de 330 à 30. En l'an 30. La Grèce grecque qui grecque d'Alexandre le Grand. Yaoula Alexandre le Grand. Qui est représenté par le ventre et les cuisses d'un rein. Yenye kone kanisha na tumbo na makuisse ile ya shaba. Iya ile quatrième empire. Ulikuwa ufalme ya ine. Qui a subsisté, qui a existé après celui d'Alexandre le Grand. Ile likuwa kokisha ile ya Alexandre le Grand. C'est l'empire romain. Ni ufalme ya kiroma. Qui a commencé en l'an 30. Avant Jésus-Christ, il est lianza mumwaka 30 mbele ya Yesu Kristo. Et qui va qui domine la terre jusqu'à la fin du monde. Il est natawala ulimwengu mzima kufika na mwisho wa dunia. Jusqu'aujourd'hui, kufika na leo. Quand tu es assis là, wakati unekala pale. Quand tu parles ici, hapa niko namiambia. Nous sommes sous la domination de l'empire romain. Tuku chini ya utawalo ya ufalme ya Kiroma. Et c'est l'empire romain. Na ni ufalme ya Kiroma. Qui a commencé à régner. Rianza kutawala. De l'an 30 avant Jésus-Christ. Jusqu'à la fin du monde. Fika na mwisho ya dunia. C'est toujours l'empire romain qui va dominer la terre. Ni paka ufalme ya Kiroma ndio itatawala ulimwengu. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Bwana Mungu amibariki tu ya leo. Demain, nous allons continuer. Kesho tutaendelea. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Nous allons entrer dans les choses très sérieuses. Tutaingia sasa mbintu vya nguvu sana vya mafaa kabisa. Et vous devez prêter attention. Na, munapashi kuteka sikio. J'ai fait cela, j'enseigne comme à l'école de dimanche. C'est pourquoi je me donne le temps de lire beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui viennent juste à peine de croire. Les autres n'ont jamais suivi cet enseignement. C'est pourquoi nous y allons lentement pour permettre à tout le monde de saisir quelque chose de la part du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Tout ce que tu fais pour nous est bon.